Chapitre 3e. La soirée de Madame Frakin était dans tout son éclat. Dans le grand salon, mur tapissé de papier blanc uni, une quinzaine de bougies éclairaient les quinderies animées. Une vingtaine de jeunes gens, une douzaine environ de jeunes filles, semblaient avoir oublié qu'il est des lendemains ou soirées de danse. D'ailleurs, à cet âge, on ignore la courbature, ou, si elle se fait sentir, on en rit, et l'on recommence pour la faire passer. Un vieux domestique entra, portant un plateau couvert de verre et de tasses de thé. « Emporte ça, pas de thé !» s'écrièrent les danseurs. « Ça empêche de danser, ça prend du temps, et puis on a trop chaud après. »« Mais vous aurez soif !» fit dans la salle à manger la voix de Madame Frakin, attablée avec deux ou trois autres mamans devant un samovar gigantesque. « Nous boirons du kvass !» répondit une jeune fille. « Et puis vous nous donnerez à souper, n'est-ce pas ?» cria de loin une autre voix masculine. « Oui, mes enfants, comme à l'ordinaire. Il y aura du fromage ?» « Et des harengs ?»« Oui, et du beau froid !» conclut triomphalement Madame Frakin. À l'annonce de ce festin délicieux, les cabrioles recommencèrent de plus belle dans le salon voisin, et la bonne dame expliqua aux mamans étonnées de celui qui s'inaccoutumait que le matin même, ayant reçu un quartier de veau de sa petite terre, elle l'avait fait rôtir immédiatement afin de régaler sa belle jeunesse, comme elle disait. « Et précisément, acheva-t-elle en voyant entrer Tournoff, voici l'enfant prodigue qui vient manger son veau traditionnel. Ah, il y a du veau ? » dit Tournoff avec cette bonne humeur qui ne l'abandonnait guère. « Quelle aubaine ! Vous avez donc fait un héritage ? » !»« Mauvais sujet ! » fit Madame Frakin. « Ne va-t-il pas me reprocher ma pauvreté ? D'où sortez-vous comme ça sans crier gare ? » ?»« J'arrive du gouvernement de T. »« Quand ? Ce matin. » »« Ah ! » fit Madame Frakin en dirigeant ses yeux vers la porte. Antoine, qui tenait le piano au moment de l'entrée de Tournoff, venait de céder sa place à un autre martyr du devoir social et paraissait sur le seuil. « Repartirez-vous ? » demanda la vieille dame au jeune homme qui venait de s'asseoir dans un vieux canapé vermoulu, tout près d'elle. « Non. » Antonine s'approchait et, sans témoigner de timidité ni d'embarras, elle s'assit auprès de Tournoff. Les dames causaient entre elles en prenant le thé. Le jeune homme se pencha vers sa vieille amie. « Savez-vous qu'on me l'a refusé tantôt ? » dit-il à mi-voix. « Hein ? » fit Madame Frakin ébahie. « On me l'a refusé parce que je n'ai pas voulu entrer dans un ministère. « Hein ?» fit une seconde fois la bonne âme, plus stupéfaite que jamais. Tournoff ne put s'empêcher de rire. « C'est comme je vous le dis, mais cela n'empêche pas les sentiments, n'est-ce pas, Antonine ?» Sa position de prétendant évincé lui donnait une assurance nouvelle. Il n'avait plus à craindre de se trahir et éprouvait une certaine joie à s'avouer amoureux de la jeune fille. « Eh bien, qu'allez-vous faire, mes pauvres enfants ?» dit Madame Frakin en les regardant avec une bonté compatissante. « Nous attendrons, » fit gaiement Tournoff. Personne ne les observait. Il prit tranquillement la main d'Antonine et la garda dans la sienne, sous le regard bienveillant et attristé de la vieille dame. « Nous nous aimons assez pour attendre. Longtemps. »« Dieu seul le sait, » répondit Tournoff en rejetant ses cheveux bouclés en arrière. « Allons valser, » ajouta-t-il en se levant. Il avait quitté la main d'Antonine, mais sur le seuil de la porte, il lui passa un bras autour de la taille et fendit la foule des cavaliers restés sans dame qui regardaient danser les autres. « Tu danses déjà ?» le jeta un camarade peu charitable, faisant allusion à son deuil encore récent. « Mita nuova, mon cher !» lui jeta Tournoff par-dessus l'épaule. « J'ai tes chenilles, je me fais papillon. Et d'ailleurs, on prend son bonheur où on le trouve. » Sur cette réponse passablement énigmatique, il se mit à valser comme si la ville n'avait eu pour lui d'autre but que de tourner en mesure autour d'un salon. Quand l'heure fut venue de rentrer, Jean Karzoff, qui était arrivé fort tard, après l'opéra italien qu'il aimait passionnément, sortit avec sa sœur et un groupe de jeunes gens qui tous demeuraient à peu de distance les uns des autres. Tournoff les accompagnait, et bientôt, profitant de l'extase où la musique avait plongé son ami, qu'un camarade avait entraîné dans une discussion acharnée, il se rapprocha d'Antonine. La nuit était belle, la maison des Karzoff toute proche, on allait à pied. Les fiancés causèrent quelques moments ensemble. « Il faut bien que je m'accoutume à ma nouvelle situation, » dit Tournoff. « Je suis à peu près comme un colonel sans régiment, un curé sans cure. Je suis un fiancé sans fiancé. » Antonine tourna vivement la tête de son côté. Sous le capuchon qui recouvra sa tête, il eut un reproche dans l'éclair de ses yeux. « Je suis sans fiancé aux yeux des autres. Je puis avouer hautement que je vous aime. Mais puis-je dire que vous m'aimez ?» Elle hésita un moment puis répondit franchement « Vous pouvez le dire, puisque c'est vrai. » Tournoff la regarda et se sentit fier d'elle. « Je vois, » continua la jeune fille, que le meilleur est de nous fier à l'amitié et à l'honneur de ceux qui nous entourent. Si nous semblons nous méfier d'eux, quelques paroles malignes reviendront à mes parents. Si nous ne cachons rien, je suis certaine que tous feront de leur mieux pour nous protéger. « Vous avez raison, » s'écria Dournov, frappé de la logique juvénile de ce raisonnement audacieux. « Commençons tout de suite. Amis, » dit-il d'une voix forte. Les cinq jeunes gens qui marchaient à côté de Jean s'arrêtèrent autour de lui. « Toi, le premier, » dit Dournov, « tu sais que j'aime ta sœur et qu'on me la refuse. Tu es chagriné de ce refus, et jusqu'ici nous avions vécu en frères. Et cela continuera jusqu'à la fin de nos deux vies, » interrompit Jean. « Ta sœur ne veut pas se soumettre à l'arrêt de ses parents. « Elle a raison, » fit Jean, en prenant le bras de sa sœur sous le sien. « Eh bien, à vous tous, mes amis, qui seriez heureux de trouver du secours dans une position semblable, je déclare qu'Antonine et moi, nous continuons à nous considérer comme fiancés, en attendant le jour où un changement de ma fortune me permettra de la réclamer. Nous vous communiquons cette nouvelle parce qu'il nous semble plus digne de l'amitié et de l'honneur d'agir franchement avec vous. Allez-vous nous protéger contre la calomnie et nous prévenir des dangers qui pourraient nous menacer à notre insu? Nous jurons, dit une voix toute jeune et vibrante d'émotions contenues, de défendre la jeunesse et l'amour contre l'opiniâtreté intéressée de la vieillesse. Nous le jurons, répétèrent les autres. Ils étaient alors sur un des innombrables ponts qui coupent les canaux de Pétersbourg. La ville dormait. À peine, de loin en loin, entendait-on le roulement d'une voiture attardée. Leurs voix retentirent fraîches et jeunes. « Hurrah ! » crièrent-ils gaiement, en se remettant en marche. « Vous allez vous faire coffrer pour tapage nocturne, » dit Jean, « mais je vous remercie tout de même. »« Je vous remercie, » dit Antonine de sa voix douce, en tendant la main à chacun de ses défenseurs. À partir de ce moment, si quelqu'un d'entre eux avait été charmé par sa beauté ou sa grâce, il étouffa ce sentiment pour jamais. Antonine était sacrée pour eux puisqu'elle appartenait à Dournov. Désormais, elle eut autour d'elle une sorte de bataillon sacré pour la défendre, et elle fut, en effet, défendue contre les propos malveillants par la présence de ces cinq hommes qui lui furent également dévoués et dont elle ne distinguait particulièrement aucun. Pendant que la jeunesse complotait contre eux, M. et Mme Karzoff, la tête sur l'oreiller, attendaient le retour de leurs enfants, en projetant aussi des dessins machiavéliques à la clarté adoucie de la lampe qui brûlait devant les images saintes. « Vois-tu, mon bon ami, » disait Madame Karzoff en regardant d'un air rêveur sa robe de chambre pendue à un clou au fond de la chambre. C'était d'ordinaire sur cet objet que se portaient ses regards quand elle réfléchissait. « Vois-tu, j'ai bien observé Antonine pendant que Dournov parlait. Elle n'est pas amoureuse de lui. Ce n'est pas ainsi qu'une fille amoureuse reçoit la notification d'un refus. Mais, » fit observer M. Karzoff, avec plus de raison qu'on aurait pu le supposer. Peut-être bien sa manière à elle d'être amoureuse n'est-elle pas pareille à celle des autres. Laisse donc, toutes les jeunes filles sont semblables. Te rappelles-tu la petite Vera, lorsqu'on ne voulait pas la marier au fils du prêtre de l'église de Kazan? A-t-elle assez pleuré, crié, refusé de manger, tout ce qui s'ensuit? C'était un tel vacarme chez eux que sa mère venait faire son somme ici pendant la journée. Chez elle, son démon de fille ne la laissait pas dormir. Eh bien, ça ne l'a pas empêché d'épouser un chef de bureau aux apanages 6 mois près. Voilà ce que j'appelle une demoiselle amoureuse, mais Antonine, non. Tant mieux, proféra Karzoff, cela fait honneur à son bon sens et à l'éducation que vous lui avez donnée. Eh bien, vois-tu, monsieur Karzoff, de peur que notre fille ne s'amourage de quelques godelureaux, je crois qu'il faudrait la marier sans retard. Elle a 19 ans, il n'est que temps. Je veux bien, dit monsieur Karzoff, mais à qui? Ah, voilà, fit la mère, en réfléchissant plus profondément que jamais et en magnétisant de son regard la robe de chambre indifférente. « C'est à toi de chercher. Dans tes bureaux, tu dois avoir quelqu'un. Il ne manque pas de célibataires dans les ministères. »« Oui, » répliqua Karzoff, « mais ils n'ont pas de fortune. »« Les jeunes, mais les vieux. Est-ce que tu marierais Antonine à un vieux ?» fit M. Karzoff d'un air éminemment dubitatif. « Combien as-tu de plus que moi ?» rétorqua victorieusement son épouse en se tournant vers lui. « 18 ans, je crois, » répondit le brave homme. « Eh bien, est-ce que je t'ai rendu malheureux ?»« Non, sœur, non, » s'écria Karzoff. « Mais ce n'est pas la même chose, » ajouta-t-il aussitôt avec justesse. « Nous étions, il est vrai, des époux assortis, » répondit Madame Karzoff. « Mon Dieu, si je pouvais trouver pour Antonine un homme dans ton genre, que je serais heureuse. » Là-dessus, les époux se mirent à chercher en commun parmi les messieurs de leur connaissance ceux qui pouvaient prétendre à la main d'Antonine. Si les oreilles ne tintèrent pas cette nuit à 30 célibataires aussi peu occupés d'Antonine que l'enfant qui vient de naître, c'est que probablement il dormait sur ses mêmes oreilles. Le résultat de cet examen fut que la semaine suivante, on donnerait un bal où les célibataires, triés soigneusement sous le volet, seraient offerts à l'admiration de leur fille. Au moment où les époux, fiers de cette résolution, se préparaient à s'endormir pour tout de bon, ils entendirent un léger bruit de pas qui leur annonçait la rentrée de leurs enfants. Un petit rire échappé à Antonine, qui disait bonsoir à son frère, acheva de confirmer Madame Karzov dans sa sécurité. « Tu vois bien qu'elle ne pense pas à Dournov, » conclut-elle, « puisque tu l'entends rire. » Et la bonne dame s'endormit sur un lit de rose. Sa fille était rentrée dans sa chambre, cependant, et au lieu de se déshabiller, assise sur un petit canapé, la tête inclinée sur la poitrine, elle réfléchissait tristement. « Eh bien, ma beauté, » lui dit la Niania, qui l'attendait, si tard qu'elle dut rentrer, et qui ne se couchait jamais sans avoir fait sur elle le signe de la croix, pour écarter les mauvais rêves. « Tu ne te déshabilles pas? Est-ce que tu n'as pas sommeil ?» Antonine tressaillit. « Pardon, Niania, » dit-elle, « je te fais attendre. Tu dois être fatiguée. » Elle se leva aussitôt et se livra aux soins de sa fidèle servante. Celle-ci peignit avec soin les beaux cheveux, si longs et si lourds qu'ils inclinaient légèrement sous leur fardeau la tête de la jeune fille. Elle était fière de ses cheveux bruns, si doux et si souples. Elle les tressait patiemment tous les jours deux fois, pour éviter qu'ils ne perdissent leur lustre, et ne permettait à aucune main étrangère de toucher aux nattes de son enfant. Lorsque Madame Karzov, mue du beau zèle dont nous avons parlé, se mit en tête de faire venir un coiffeur, elle eut à livrer une vraie bataille à la Niania, et si elle obtint les honneurs du combat, c'est uniquement parce qu'elle la renvoya à la cuisine en lui fermant la porte sur le nez. « Eh bien, mignonne, » dit doucement la vieille servante, « tes parents n'ont pas accepté ton bien-aimé. Ils ont refusé de lui donner notre colombe. »« Oui, » soupira Antonine. « Et toi, qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis que je l'épouserai, lui ou personne. » La Niania garda le silence et hocha par deux fois sa vieille tête grise. « C'est qu'ils veulent te marier ?» reprit-elle au bout d'un moment. « À qui ?» dit Antonine en levant brusquement la tête. « Je ne sais pas. On te cherche un promis. On va donner un bal pour toi et l'on s'occupera de te marier le plus vite possible. Quelle idée ! As-tu pris cela ? J'ai écouté à la porte pendant que tu étais chez Madame Frakin. Et lui, que dit-il, ton ami ? Il dit comme moi. Que Dieu étende sa main sur vous, soupira la Niania, car je prévois que votre vie ne sera pas tranquille. Antonine s'étendit sur son lit. Sa bonne ramena les couvertures sur elle, attisa la lampe des images, et se retira en faisant des signes de croix dans l'air de tous côtés pour chasser l'esprit malin. Mais l'esprit malin était resté au cœur de la jeune fille. Une colère sourde travaillant en elle et montait toujours, menaçant de submerger sa raison. Si on l'avait laissée en paix, maîtresse d'attendre que Dournov fût conquis une position, elle aurait été une fille douce et soumise, patiente malgré son chagrin, et respectueuse toujours. Mais on voulait disposer d'elle sans son consentement. On traitait son amour comme un enfantillage. On se jouait de l'homme qu'elle aimait. Sa colère devint si forte qu'Antonine se leva, incapable de rester immobile plus longtemps. La fraîcheur de la chambre calma un peu sa fièvre. Elle fit deux ou trois fois le tour de sa cellule virginale et s'arrêtant devant les images, elle s'agenouilla pieusement. « Sainte Mère de Dieu !» dit-elle tout haut, en étendant la main vers l'image de la Vierge qui lui souriait placidement, son enfant dans les bras. « Je jure d'être à lui ou à personne. » Et s'il faut mourir pour tenir mon serment, je mourrai. » Elle se prosterna et resta longtemps en prière. Le froid et l'immobilité la glacèrent. Un frisson passa sur son corps. Elle se leva, rejetant ses tresses importunes, puis retourna à son lit et s'endormit.